Nous rejoint sur ce plateau Christophe Dansette. Bonjour Christophe, avec l'angle économique, évidemment, ils attendaient ce résultat avec impatience, ce sont les marchés. Ils ont ouvert en Europe. Comment réagissent-ils depuis l'annonce de cette affiche, donc Macron-Le Pen ? Bien, c'est tout simplement la meilleure journée de l'année pour le moment. Un CAC 40 en très forte hausse qui dépasse même désormais les 4% de hausse, 4,01%. Et vous voyez à Dax, à Francfort le Dax et à Londres le FTSE sont également en forte hausse, plus 2,6% pour le Dax et plus 1,75%. Pour le FTSE à Londres, et ce sont surtout les valeurs bancaires qui profitent de cette hausse, avec des valeurs bancaires comme BNP Paribas ou la Société Générale qui oscillent entre 8 et 10%, même la Deutsche Bank qui gagne elle aussi près de 6%. Sur le marché des obligations, eh bien, forte hausse de l'euro face au dollar et face au yen, plus 1,19% entre l'euro et le dollar, plus 2,21% face au yen. Et même si les marchés sont rassurés ce matin, il va falloir passer le cap de ce second tour entre deux candidats au programme sur le plan économique radicalement opposés. Oui, l'un qui rassure les marchés, l'autre qui inquiète. Emmanuel Macron, partisan de la mondialisation, partisan de l'Union européenne. Marine Le Pen, la protectionniste, et dont le programme économique est principalement fondé sur une sortie de l'euro et la création d'une monnaie nationale adaptée, dit-elle, à l'économie de la France. Marine Le Pen qui est pour un État interventionniste et généreux, dit-elle. Elle prône le retour de la retraite à 60 ans, le maintien des 35 heures et la suppression de la loi travail. Elle promet également des baisses d'impôts pour les ménages les plus modestes. En revanche, elle maintiendra l'impôt sur la fortune pour les plus fortunés. Tout son programme est également basé sur la préférence nationale. Elle veut par exemple taxer les importations, une taxe de 3% qui permettra, dit-elle, de financer une mesure de pouvoir d'achat, 80 euros pour les plus modestes, taxer également à hauteur de 10% l'embauche de salariés étrangers et enfin interdire l'importation de produits agricoles qui ne respecteraient pas les normes françaises. Enfin, concernant les entreprises, la candidate du Front National veut avant tout aider les plus petites et les moyennes entreprises en créant notamment un seuil à 24% d'impôt sur les sociétés pour les moyennes entreprises. Face au protectionnisme de Marine Le Pen, la flexi-sécurité, cette fois d'Emmanuel Macron. Oui, il veut aider à la fois les ménages et les entreprises. Il compte baisser l'impôt sur les sociétés de 33% à 25% et supprimer les charges au niveau du SMIC. Pour les salariés, il veut supprimer les cotisations de maladie et cotisations de chômage qui financera en augmentant, dit-il, la cotisation sociale généralisée. L'autre grande mesure de pouvoir d'achat d'Emmanuel Macron serait la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages d'ici 3 ans. L'âge de la retraite, lui, est maintenu à 62 ans, mais il veut faire une grande réforme des retraites pour aller passer à la retraite dite universelle, c'est-à-dire mettre fin aux régimes spéciaux et puis les différences entre secteur privé et secteur public. Dernière mesure, 50 milliards d'euros d'investissement et la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires en 5 ans. Christophe Dansette, Gauthier Rabinski, merci à tous les deux d'avoir été avec nous.